Je t'aime, Vincent. Elle aime les films hongrois, sous-titrés en tchèque. Bach, Repac, Bartok et l'opéra chinois. Les culottes en velours, les vapeurs de gasoil. Le civet de Bulot et Éric Jean-Jean. Et c'est moi qu'elle aime. Elle aime les joutes d'Inde, les restaurants anglais, la mythologie suisse et l'odeur des bébés. Les orchestres de bal, le kiwi au maroilles, les mélopées pépères et les films de Beck. Et c'est moi qu'elle aime. Il aime le cri des poux et le lait faisant des, les tipis et les gnous, le chlore et la mélasse. Il chérit un hibou, il dépasse des taupes, vénère les papous et les kangourous myopes. Et c'est moi qu'elle aime. J'ai beau chercher partout, en moi c'est un mystère. Je ne me sens pas gnou, ni kangourou pépère, ni papou, ni bulot, ni Jean-Jean au maroilles. Absolument jamais tchèque, hibou, ni chic-chic. Tchèque, hibou, ni chic-chic. Ah non, vraiment pas. Tchèque, ouais. Hibou. Non, non, non. Et pourtant, c'est moi qu'elle aime. Et c'est moi qu'elle aime. Et c'est moi qu'il aime. Et c'est moi qu'elle aime. Non, et c'est moi qu'elle aime. Et c'est moi qu'elle aime. Et c'est moi qu'elle Albin, c'est moi. Albin. C'est Jeanne. C'est Jeanne. On sait tout le monde. Tout le monde a gagné. Alors, Jeanne avait commencé à faire une formation de guitare avec un professeur de guitare normal à LA. Et donc, elle a prolongé avec Rémi Julienne. C'est Albin qui m'a dit de faire cette blague il y a deux secondes. Et en fait, le problème de Jeanne, c'est qu'elle a une main qui n'est pas... Voilà, j'ai un souci au niveau de mon articulation poignetaire. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je suis obligée de jouer cette chanson au demeurant magnifique de Vincent qui s'appelle La vipère du Gabon... Toute la surprise est foutue. Ouais. Pardon. Non mais disons qu'il faut que je joue une chanson qu'on ne nommera pas dans ce spectacle. Et à chaque fois, en fait, Vincent m'oblige à faire une intro quand même assez longue. Si, à chaque fois, tu me dis bah vas-y, continue. Et quand on arrive à la fin, en fait, il y a ce qui s'appelle une coda dans une chanson, c'est-à-dire qu'on fait tourner la grille du morceau comme ça en boucle pendant plusieurs heures parfois. Et disons qu'il m'oblige à faire ça de façon assez cruelle quand même. Je pense qu'il y aura vraiment du montage sur cette émission. Non, mais je tenais à ce que la vérité enfin soit dite. C'est vrai. Que tu es cruel avec mon articulation. Allons-y.